Four in Hand par Léon de Tinsot. Tous les journaux ont raconté la descente de police qui eut lieu dernièrement, au coup de minuit, dans une maison de la chaussée d'Antin, afin d'y surprendre une maison de jeux clandestine. Mais les reporters n'ont pas tout dit sur les incidents de cette soirée dramatique. Un élève de Clerville pourrait trouver, dans l'épisode suivant, la matière, c'est le cas de le dire, d'un joyeux vaudeville, si les difficultés de la mise en scène, vu surtout les exigences du public d'aujourd'hui, n'offraient un obstacle sérieux, sinon insurmontable, pour l'adaptation au théâtre. Par un concours de circonstances qui n'a rien que de très ordinaire, tandis que la roulette fonctionnait au premier étage, un autre appareil, à vapeur celui-là, fonctionnait dans la rue. Un philosophe trouverait des réflexions saisissantes à comparer ces deux inventions de la civilisation moderne, l'une pompant l'or des familles, l'autre, mais il ne s'agit point de faire de la philosophie. Tandis que le commissaire, laissant voir discrètement sous son par-dessus un peu de soie tricolore, frappait à la porte du tripot, quelques agents bloquaient la porte d'entrée de la maison, restée ouverte pour les besoins hygiéniques d'en bas. Une consigne sévère leur ordonnait de ne laisser sortir personne. Malheureux agents, leur service était doublement pénible, vu le voisinage des travailleurs nocturnes auxquels ils se trouvaient forcément mêlés. Ils apprirent une fois de plus, cette nuit-là, que dans le métier de policier, tout n'est pas rose. Cependant, au milieu d'une confusion que je ne m'attarderai point à décrire, l'appartement suspect avait été envahi et le commissaire interrogeait tous les joueurs présents, prenant leurs noms et leurs adresses, qu'il consignait sur son procès-verbal. Pour beaucoup d'entre eux, cet incident n'était qu'un contretemps sans grande importance, mais un des ponts semblait en avoir jugé autrement. Au premier toc-toc du magistrat, cet amant timide de la fortune avait bondi hors de la pièce et, profitant d'une expérience déjà chèrement acquise, ainsi que d'une connaissance plus complète des lieux, il s'était précipité dans l'escalier de service. Mais il ne l'avait point descendu, pas si bête. Il savait ce qu'il attendait en bas. Il avait gagné les combles et, trouvant une mansarde ouverte, il y avait pénétré, tirant brusquement de son sommeil un honnête artisan qui se reposait sur l'étroite couche du prolétaire des fatigues du jour. Expliquer la situation à cet homme ahuri mais bienveillant, se saisir d'un vieux chapeau mou, d'une limousine déjà mûre, ce fut pour Gontran d'Héristal l'affaire de 5 minutes à peine. Car ce fugitif à la conscience troublée, ce gentilhomme réduit à se déguiser comme un malfaiteur, c'était notre ancienne connaissance, l'ex-beau Gontran marié, père de famille, ayant pris du ventre et perdu des cheveux, mais toujours prêt à se fourrer dans le premier guépier venu, comme quand il avait 22 ans et qu'il habitait son petit entresol de la rue Marignan. Fortement touché par de nombreuses folies, il avait dû passer sous les fourches codines d'un mariage riche, avec une héritière moins que jolie, d'humeur égale mais désagréable, une de ces femmes qui sont en même temps les belles-mères de leur mari. Mise à la portion congrue, dépouillée de toute participation à la conduite financière du ménage, recevant un louis ou deux quand il sortait, selon l'humeur de madame et le zèle apporté par lui à ses devoirs conjugaux, ne recevant rien du tout quand il s'était permis de rentrer en retard, il s'échappait de temps en temps pour risquer quelques pièces de 100 sous sur la rouge et la noire, comme un écolier pour fumer ses premières cigarettes, car le jeu était resté sa seule passion. Le cercle lui était interdit. Il se consolait comme il pouvait avec le tripot, se cachant de sa femme plus que de la police. Aussi, cette nuit-là, eut-il bravé le fer et le feu pour dépister le commissaire qui instrumentait, avec une majesté lente, dans l'appartement du premier. Se voir nommé dans les journaux le lendemain, c'était la suppression de tout subside pour 6 mois. Grâce à son déguisement, généreusement payé du seul louis qui lui restait, Gontran se croyait sûr de sortir sans encombre. Mais, sur le trottoir, la voix rude d'un agent le fit tressaillir en lui demandant « Qui êtes-vous? Où allez-vous » L'instinct de la conservation financière fit surgir dans sa cervelle un plan aussi hardi que simple, du moins en apparence. Devant la façade de l'immeuble qu'il cherchait à quitter en fugitif, une voiture massive, cylindriforme, attelée de 4 chevaux, stationnait, attendant que son chargement fût complet. Le siège était vide. Chez le mastroquet du coin, l'automédon de l'énorme machine roulante prenait un verre. comptant qu'on vient de le chercher quand il faudrait partir. À l'aspect de cette voiture et du siège vide, Gontran se crut sauvé. « Où je vais, patron ? » répondit-il en imitant habilement l'accent faubourien. « Si vous voulez venir avec moi, je vous y mène pour rien. » Et avec le courage du désespoir, il escalada le marchepied et prit la place du conducteur absent. Presque aussitôt, la machine à vapeur s'arrêta et une voix cria derrière lui. « Allons, cadet, t'en as ton compte, touche à l'hôtel. » Ce n'était pas la première fois qu'il arrivait à Gontran de mener à quatre. Plus d'une fois jadis, au défilé des courses de la marche, on avait admiré l'aisance avec laquelle il faisait évoluer l'attelage en damier de son mail. Se souvenant de ses prouesses d'alors, il rassembla ses cheveux endormis, enveloppa d'un coup de fouet vigoureux les deux bêtes de volée et partit au trot dans la direction de la rue Lafayette avec un bruit assourdissant de lourdes ferrailles. Ce n'était pas tout que d'être parti. Le lecteur de bonne foi conviendra qu'il serait lui-même fort embarrassé s'il se trouvait tout à coup en pleine chaussée d'Antin, à 1 heure après minuit, ayant dans les doigts 4 percherons à conduire et derrière lui le véhicule en question sans la moindre idée du but de sa course. « Où diable dois-je mener mon chargement ?» se disait le pauvre Déristal, tout en manœuvrant avec une science consommée parmi la foule des voitures. « Je me doute bien que ce n'est pas dans les caves de la Banque de France, ni au musée du Louvre. Mais mes renseignements ne vont pas plus loin. Mon Dieu, quelle fichue idée ! J'ai eu d'aller ce soir dans ce coupe-gorge. Que vais-je faire maintenant ?» Comme il mettait ses chevaux au pas, à l'approche du carrefour de la rue Lafayette, il aperçut d'autres équipages semblables aux siens qui passaient devant lui dans la direction de la gare du Nord. « Je suis sauvé, » pensa Gontran, et il prit la file derrière ses collègues. Bientôt, le square Montaulon dépassé, la montée devint raide et les 4 chevaux, tirant à plein collier, n'avancèrent plus que lentement. Le cortège des Four in Hand nocturnes grossit peu à peu, formait maintenant une véritable procession, dans laquelle Déristal se trouvait perdu, comme un jamelier au milieu d'une caravane. Mais hélas, ce n'était ni de l'encens, ni du musc que la caravane transportait. Le malheureux grelottait sur son siège, mais ce n'était pas le froid qu'il sentait. D'effroyables haut-le-cœurs le secouaient. Que n'eût-il pas donné pour déserter son poste et fuir ce combat trop inégal? Mais que diraient les camarades? Il se résigna à son sort. Aussi bien, tôt ou tard, on arriverait. Et alors, il serait facile de disparaître. Si jamais on le repinçait dans une maison de jeu clandestine. Il était si malade qu'il n'avait plus la force de tenir ses rênes. Mais les chevaux suivaient les attelages qui marchaient devant. Heureux chevaux! Ils auraient traîné le char de fleurs de la marquise de R au carnaval de Nice. Qu'ils n'eussent pas semblé plus à leur aise. Ce que c'est que l'habitude. Gontran n'eût pu dire depuis combien de temps il cheminait, ballotté sur son siège comme un passager atteint du mal de mer, lorsque tout à coup, un redoublement d'intensité dans ses tribulations olfactives le tira de sa léthargie. On était arrivé dans la cour de l'usine de Pantin. Réunissant toutes ses forces, il s'apprêtait à dire adieu à son équipage et à s'enfuir, lorsque la voix d'un contremaître l'apostropha rudement. « Qu'est-ce qu'il vient ficher ici, celui-là ? En v'là un carien rond. Dites donc, les enfants, aviez-vous vu ça ? Un amateur qui se trompe de dépotoir. Il est devant, mais il vient à Pantin. » Gontran n'eut pas de peine à comprendre l'erreur fâcheuse qu'il avait commise et le danger qu'il courait de voir perdu tout le fruit de sa supercherie. Il résolut de payer d'audace. « Je suis paron, » répliqua-t-il dans la même langue. « Je m'ai endormi et mes carcans m'ont amené ici en suivant les camarades. Faut pas m'en vouloir. Il n'y a que celui-là qui fait rien qui se trompe pas. Je vais m'en retourner à Vanves. Tes chevaux t'y mèneront jamais. V'là les 2,5 qui plombent. Tu ne seras pas rendu avant les 6. Faudra bien qu'il marche, » répondit le charretier malgré lui. « Au revoir, les anciens, un de ces jours. » Mais au moment de partir, un malaise effroyable lui secoua le cœur et les entrailles. « Je boirai bien un verre d'Odaf, » gémit-il. « Il n'y a pas un manzing par ici. » Les manzings ne manquent pas autour des usines nocturnes, et ils ne se ferment jamais. On y a un gamin qui contemplait la scène sur le seuil d'une boutique. Une minute après, sans descendre de son siège, Gontran ingurgitait une énorme lampée d'alcool presque naturelle. Il crut avoir avalé du feu, mais la commotion le remit pour un instant. Il donna les 4 sous qu'on lui demandait, fouetta ses chevaux et partit pour Vanves, ou du moins, il fit semblant de partir pour ce pays lointain. En lui-même, il avait résolu d'abandonner son équipage au premier coin désert qu'il trouverait et de rentrer chez lui à pied. Mais que dirait la comtesse en le voyant arriver à l'aube dans cet accoutrement et parfumé de la sorte? Dans tous les cas, pensait-il, elle ne m'accusera pas de sortir du boudoir d'une cocotte. Hélas! Il avait compté sans la boisson redoutable qu'il venait d'absorber et dont il n'avait pas l'habitude. Bientôt un engourdissement envahit ses membres. Il comprit qu'il ne pourrait marcher sans mettre sans tomber. Après tout, il avait une voiture. Autant en profiter pour faire le chemin. On verrait plus tard. Il redescendit la rue d'Allemagne et s'engagea de nouveau dans la rue Lafayette. Le froid devenait piquant. Le contraste entre la température extérieure et le feu qui brûlait son estomac produisit bientôt l'ivresse. Ce pauvre Déristal, pour le coup, était parfaitement rond. Maintenant, il était joyeux et claquait son fouet, pressant le trot de ses 4 chevaux. Peu à peu, sa raison s'obscurcissait. Il devenait halluciné. Il croyait être sur son mail, ayant derrière lui, comme autrefois, des compagnons pleins d'entrain et des femmes charmantes. Il se retournait en riant pour leur adresser des plaisanteries. Il interpellait les passants attardés et même, en passant devant le Sporting, il appela par leur nom 2 de ses amis qui en sortaient et qui demeurèrent stupéfaits d'entendre un cocher de la compagnie atmosphérique leur demander de leurs nouvelles. Il suivit les boulevards, la rue Royale, monta le cours La Reine, traversa le pont des Invalides et gagna sans encombre l'avenue de la Tour Maubourg. Bientôt il parvint devant son hôtel, ou plutôt devant l'hôtel de sa femme, et arrêta ses chevaux qui n'en pouvaient plus. Persuadé dans le trouble de ses idées qu'un des 2 hommes montés sur le siège de derrière de son mail était descendu pour faire ouvrir la porte cochère, il attendit que le concierge fît tourner sur leurs gonds les battants de chêne massifs. Il attendit si bien qu'il tomba dans un profond sommeil. La comtesse était dévote, et chaque matin se rendait de bonne heure à la messe à pied. Quand elle sortit ce jour-là, déjà pâle d'indignation et de colère, car son mari n'était pas rentré depuis la veille, la première chose qu'elle aperçut fut la tonne roulante, arrêtée devant l'hôtel. Les 4 chevaux dormaient paisiblement. Quant au cocher, il venait de se réveiller et s'étirait les bras, ayant encore les idées fort troubles. La comtesse passait rapidement le mouchoir sur la bouche, mais on devine son étonnement, puis sa colère, sans parler de la scène épouvantable qui en fut la suite, quand elle entendit ces paroles, prononcées par une voix connue, sortir du capuchon de la limousine. « Déjà levé, mon amour ?» Ainsi s'achève « Four in Hands » par Léon de Tinsault.